disais tout ce qui me passe par la tête. Haha, ouais, ouais. L'exhaleur, ouais. La fine équipe, ouais. Quand j'écris, c'est un humain qui improvise. Ce mouvement n'est pas le mien, j'y suis venu à l'improvise. Je m'exhale à l'heure où la nature agonise. Comme Malik El Jabbar, la renaissance de Malcolm X. Bienvenue dans le royaume des hypocrites, où je n'ai rien vu de tout ce qu'on m'avait promis. Des génocides, des terroristes et la bombe atomique. Des pompes Afrique, les Caraïbes et les pirates au mic. 2007, ça recherche mon contact Hotmail. Je ne m'affiche pas trop, pratique toujours le rap hors sol. L'amour à la musique, pour que mes tracks soient immortels. C'est pas du nique-tout, j'ai pas la vie de Marc Dorcel. C'est dans leur propre jeu que je les vois déclarer forfait. Faudrait refaire le monde, mais y'aura toujours un tas de faux frères. C'est du partout pour même, chacun veut sa part d'oseille. Dans cette époque, mon pote, y'en a peu qui se pardonnent, ouais. Si je leur disais tout ce qui me passe par la tête, c'est pas la fête, c'est pas la peine de me la faire, hein. Si je leur disais tout ce qui me passe par la tête, c'est pas la fête, c'est pas la peine de me la faire, hein. Si je leur disais qu'au fond personne ne me connaît, comprenez, moi mon rap c'est uniquement pour mes collègues. J'y raconte mon vécu et j'évacue ma colère. Je viens manger le monde, je l'ai déjà entre les molaires. Et ouais, je débarque comme un bulldozer, et ouais, comme Daz. Je vis dans ma bulle, je me fous du buzz et de leur contrat. Appelle-moi l'acrobate quand le vice fait des grosses pattes, des grosses passes. Ça va vite la vie, mais des gauches-droites. Entre la politique et la folie de ce monde, un mélange de Pythagore et des aporites et non. Ça vient du plein pays, de l'hexagone avec Billy, avec Aro, des BPM plus renommés que les Bee Gees. C'est pas Colt, Sivers, mais c'est bien l'homme qui tombe à pic. Cascadeur, l'exhaleur avec l'esprit combatif. Et ouais, face à moi-même, je partirai pas comme Patrick Devers. Je persévère en attendant le second chapitre. Prestigieux comme les Harlem Globetrotters. Je parle avec mon cœur, moi de ma vie j'en suis l'auteur. Si je leur disais tout ce qui me passe par la tête, c'est pas la fête, c'est pas la peine de me la faire, hein. Si je leur disais tout ce qui me passe par la tête, c'est pas la fête, c'est pas la peine de me la faire, hein. Si je leur disais qu'au fond personne ne me connaît, comprenez, moi mon rap c'est uniquement pour mes collègues. J'y raconte mon vécu et j'évacue ma colère. Je viens manger le monde, je l'ai déjà entre les molaires. À la recherche du bonheur sur l'autoroute du soleil. Insomniaque comme Mousti, j'attends le retour du sommeil. J'ai pas le talent pour la délinquance dans les alentours. Les mésaventures, chacun veut passer avant tous. Je les vois entre slip à traîner dans le centre-ville. Moi je fais mon entreprise, vu qu'il faut des rentrées de fric. Je ne crée pas de problème si vous vous sentez le faire. Très passant en essayant de rattraper ma santé de fer. Je vois le ciel comme Léonard de Vinci. Sans prétention, moi mon art est invincible. DJ Killa, l'exhaleur pour un inédit. Mes couplets se dessinent comme des coups de tête à Zinedine. C'est radical, pourquoi changer comme Michael Jackson? Le rap et moi, on ne forme qu'une seule personne. Se perdant dans le savoir et son immensité, je fais passer la qualité avant la quantité. Si je leur disais tout ce qui me passe par la tête, c'est pas la fête, c'est pas la peine de me la faire, hein. Si je leur disais tout ce qui me passe par la tête, c'est pas la fête, c'est pas la peine de me la faire, hein. Si je leur disais qu'au fond personne ne me connaît, comprenez, moi mon rap c'est uniquement pour mes collègues. J'y raconte mon vécu et j'évacue ma colère. Je viens manger le monde, je l'ai déjà entre les molaires.